إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحديث الرابع عشر لحديث numéro 14 أحب الأعمال إلى الله عز وجل Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, exalté soit-il. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم وأحمد Donc, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit « J'ai questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, azza wa jal, ou les plus aimées d'Allah, azza wa jal. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « La prière, la salat accomplie à son heure. » J'ai dit « Et puis après ?» Après la prière, donc, après cette réponse, c'est quoi la suite? Il dit, alayhi salatu wa salam, la bienfaisance, le respect, l'obéissance des parents. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a après? Il dit, le combat dans le sentier d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Ahmed. Sahabiyul Hadith, taqaddama tarjamatuhu fi sharhi hadithi rakim khamsa. Donc, on a déjà parlé du rapporteur du hadith, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, lors du commentaire ou de l'explication du hadith numéro 5. Al-Mufradat, vocabulaire. Ahabbu ila Allah, aktharuha mahabbatan ila Allah wa afdaluha. C'est celles qui sont les plus aimées auprès d'Allah et les meilleures auprès d'Allah. Birrul walidain. La bonté envers les parents. Ta'atuhuma wal qiyam bi huquqihima wal ihsan ilayhima. C'est le fait de leur obéir, de s'acquitter de leurs devoirs et d'être bienfaisant envers eux. Al jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. Badlun nafsi wal mali fi da'wati al kuffar ila Allah. C'est l'effort de la personne avec sa personne et ses biens et ses richesses dans l'appel, le prêche à Allah, d'appeler les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, et aussi de les combattre pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Al-ma'na al-ijmali, le sens global et général. Kan al-sahabi al-jalil, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. من قراء الصحابة وفقهائهم وعلمائهم عبد الله ابن مسعود ce noble, cet honorable compagnon était parmi les lecteurs des compagnons, les connaisseurs du Coran. D'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a recommandé de prendre le Coran des compagnons, il a cité certains noms qui étaient des références dans le Coran, et parmi eux Abdullah ibn Mas'ud. Il l'appelait Ibn Ummi Abd. On l'appelait Ibn Ummi Abd. Donc, c'est une des références dans le Coran. Et parmi ceux dont le prophète sallam a dit, celui qui veut le réciter le Coran comme il a été révélé, qu'il le prenne de ces personnes-là, parmi lesquelles Abdullah ibn Mas'ud. Et il fait partie des grands connaisseurs, ceux qui ont la grande compréhension et la bonne compréhension des textes religieux. Et il fait partie des savants, des compagnons. Donc c'est une des références, une élite dans le savoir parmi les compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Comme a dit de lui Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il était un récipient rempli de science. En parlant d'Abdullah ibn Mas'ud. Et vous connaissez aussi le récit avec Abu Moussa al-Ash'ari dans la ville de Al-Kufa, en Irak, lorsque Abdullah ibn Mas'ud, il était le gouverneur à cette époque-là de Al-Kufa, et que Abu Moussa al-Ash'ari, un autre grand compagnon, radiyallahu anhu, a vu des choses étranges dans la mosquée. Une façon de faire le dhikr, le rappel d'Allah, qui est méconnu des compagnons et de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au lieu de les réprimander directement, il a préféré retourner à Abdullah ibn Mas'ud. Et là-dedans, hein, il y a deux leçons. D'un côté, Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'autorité de la ville. C'est le gouverneur, hein, de la ville. Et de l'autre côté, c'est le grand savant. Donc, de laisser place au grand savant pour s'acquitter de cette mission de réprimander ce mal. Et c'est pour cela que les ulama, c'est une des règles, ils disent... Il est préférable à une personne de laisser place aux plus connaisseurs. De ne pas répondre alors que sur place, il y a plus connaisseurs. وَكَانَتْ أَسْئِلَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تُنْبِئُ عَنْ فِقْهِهِ وَإِدْرَاكِهِ. Et lorsqu'on regarde les questions que Abdullah ibn Mas'ud posait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci prouve et nous montre la connaissance, hein, et la place qu'avait Abdullah ibn Mas'ud. Ce sont des questions qui ne sont posées que par des personnes qui sont dotées d'une bonne compréhension et d'une connaissance religieuse. فَكَمَا سَأَلَ هُنَا عَنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّنَا نَجِدُ فِي الْأَسْئِلَةِ السُّؤَالَ عَنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ وَأَشَدِّهَا. Là on le voit, il demande sur les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal. Dans d'autres questions, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu questionne le prophète sallam sur les plus grands des péchés. Au prophète sallam lui demande quels sont les plus grands péchés, quels sont les plus énormes des péchés et les plus dangereux des péchés. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallam de lui répondre: أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهو خلقك فيقول ثم أي فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك فيقول ثم أي فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. Donc le prophète, donc Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, demande au prophète, sallam, quels sont les pires des péchés? Quels sont les plus graves des péchés? Le prophète, sallam, de lui répondre, en premier lieu, c'est que tu donnes à Allah un semblable, un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Alors que c'est lui qui t'a créé. Donc, tu reconnais la seigneurie d'Allah, comment tu en arrives à associer à Allah dans la divinité? Tu reconnais que ton seul créateur, c'est Allah. Pourquoi, au final, tu lui donnes des associés dans l'adoration? Si c'est le seul qui t'a créé, c'est Allah, donc lui seul mérite l'adoration. Donc c'est très grave. Le pire des péchés, c'est de donner à Allah des associés, alors que personne ne mérite d'être associé à Allah. Personne n'est digne d'être associé à Allah, quel qu'il soit, ou quoi que ce soit, la chose. Personne n'est en droit d'être associé à Allah Azza wa Jal. Et la raison pour laquelle Allah il nous a créé, c'est pour son adoration. Lui seul, il ne nous a pas créé pour qu'on adore autre que lui. C'est pour qu'on adore Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux polythéistes et aux associateurs qui essaient de se légitimer leur polythéisme, alors que jamais Allah tabaraka wa ta'ala n'a autorisé ou n'a permis cela. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ont-ils des associés qui leur ont permis, autorisé ce qu'Allah n'a pas permis dans la religion? Donc ce ne sont que de pures inventions. Shaitan les a entraînés dans ces déviations, dans ces, et il les a fait tomber dans ce grand crime et dans cette grande, ce grand péché abominable qui est d'adorer Allah, avec Allah ou en dehors d'Allah d'autres que lui, que ce soit des hommes, des anges, de la pierre, des arbres, quelle que soit la chose ou la personne, personne n'est en droit d'être adoré avec Allah Azza wa Jal. Donc même s'ils essaient de vous magnifier, de vous agrandir, des gens qui méritent d'être agrandis, mais ils les agrandissent à un deux stades, un degré qui est au-delà, qui dépasse les limites. Ali est un grand homme, c'était le compagnon, membre de la famille du prophète en sallam, mais ce n'est pas un prophète. Donc il n'a pas le statut de prophète. Et encore pire, il n'est pas une divinité qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qui est le meilleur des hommes, et l'élite des prophètes, et l'imam des messagers, on n'a pas le droit de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. L'ange Jibril, alayhi salam, qui est le messager d'Allah vers tous les prophètes et les messagers, et qui est rapproché d'Allah Azza wa Jal, on n'a pas le droit de l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Personne, même pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni les saints, personne en dehors. Il n'y a que Allah seul qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré. Puis il lui dit, après ceci, le prophète Hassan lui dit, c'est que tu tues ton enfant, tu assassines ton enfant de peur qu'il partage avec toi ta nourriture. De peur de devoir partager la nourriture. Ça, c'est un manque de foi. Ça, c'est un problème dans la conviction de la personne. Et avant, les gens, ils en arrivaient à ce stade-là. Ils tuaient leurs enfants, leurs nouveau-nés, pour ne pas... Parce qu'ils étaient matérialistes, les gens. Comme aujourd'hui, beaucoup sont matérialistes. Ils font un nombre d'enfants selon leur entrée d'argent. C'est un calcul de matérialisme. A'udhu billah. Alors que l'enfant, il ne vient pas tout seul. Il vient avec son rizq qu'Allah lui a écrit. Il vient avec la subsistance qu'Allah lui a écrit. Mais ça, c'est avec la foi. La foi en Allah Azza wa Jal, en apprenant ta religion, que tu sais ça. Toi, ce que tu as, c'est Allah qui te l'a octroyé, qui te l'a donné. Si Allah avait voulu, il ne t'aurait rien donné. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'es pas responsable ou maître de la subsistance de cet enfant. L'enfant, il vient avec sa subsistance. Lorsqu'il naît, l'ange est envoyé et il écrit quatre choses. Et dans ce qui est écrit, il y a sa subsistance. Et le temps qu'il va vivre dans ce bas monde. Donc, tu n'as pas le droit de tuer ton enfant de peur de devenir pauvre. Ou de peur qu'il va partager avec toi. Non, ça ce sont des façons de penser qui ne sont pas musulmanes et qui sont contraires à l'islam. Donc, les enfants, au contraire, il y a de la bénédiction, il y a un enrichissement, comme dans le mariage. Le mariage, c'est un enrichissement. Il y en a, ils font des calculs, mais ils dépassent les limites. Bien sûr, il faut préparer, il y a des préparatifs, mais pas comme certains le font. Il y en a, ils le font d'une manière qui n'est pas celle des bons et véritables croyants qui s'en remettent à Allah Azza wa Jal. Puis il lui a dit, après ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, c'est que tu forniques, que tu commettes la fornication ou l'adultère avec Halilati Jalik. Celle qui est autorisée, sont traduits littéralement. Celle qui est permise, qui est autorisée à ton voisin. C'est-à-dire de commettre ce crime, l'adultère, la fornication, avec l'épouse de ton voisin. Pourquoi ? La fornication adultère, c'est grave, c'est des grands péchés. Mais le voisin, il a confiance en toi. vous êtes voisin. Il part, il se dit que s'il y a un problème, tu es là. Tu vas pouvoir venir en aide s'il y a besoin, le secourir s'il y a besoin. Et derrière, pendant son absence, tu trahis cette confiance. Et tu forniques avec sa propre épouse. Ça, c'est encore pire que de la fornication à elle seule, qui est déjà un grave péché. Il y a un grand péché. Donc ce n'est pas parce que les maisons elles sont rapprochées que la personne elle se dit j'ai plus de facilité, alors non. Il faut s'éloigner de ces choses-là. Les femmes, elles doivent faire en sorte de ne jamais attirer les hommes, ni de près ni de loin. Elles doivent faire preuve de pudeur. Elles doivent s'éloigner des hommes étrangers. Et les hommes se doivent de faire preuve de chasteté, de s'éloigner des femmes étrangères. Et aujourd'hui, c'est grave parce qu'il y a beaucoup de moyens et de facilités. Subhanallah. Faire la fornication adultère, la porte elle est ouverte. Il n'y a personne qui va reprendre la personne. Donc, quelqu'un qui a sa foi, qui a sa crainte d'Allah Azza wa Jal, il doit travailler sa foi et s'éloigner. Et faites attention au petit chemin qui mène à l'adultère. Ce que minimisent certains. Oh, je suis pas arrivé au bout. Non, mais tu prends le chemin et à force de prendre ce chemin-là, tu vas tomber dedans. Et en même temps, ce chemin-là, c'est un chemin où il y a des péchés. Parler avec une femme étrangère sans qu'il n'y ait aucune nécessité, aucun besoin, d'accord, outrepasser les limites, même celui qui dit « Non, mais moi, c'est pour le mariage, arrêtez de jouer. » Il y a des manières de se marier, conformes. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta propre fille, ne le fais pas aux filles des autres. Ah d'accord, on a le droit, d'accord. Donc quand ce sera ta propre fille, tu laisseras l'homme l'appeler tous les jours, rester des heures au téléphone, se regarder dans, je ne sais pas comment ils appellent, Skype ou je ne sais quoi là, et ainsi de suite. Non, je voudrais pas. Ben alors pourquoi tu le fais avec les filles des autres? Subhanallah, tu es qui toi? Tu es au-dessus des gens? Ce qu'on peut se permettre avec les autres, on ne peut pas se le permettre avec toi? Agir, il est étonnant l'être humain comment il fonctionne. Quand l'homme s'est levé, il a dit au messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. Le prophète sallam lui a dit, le voudrais-tu pour ta fille, pour ta maman, pour ta tante, pour ta nièce? Et il lui a dit, donnez la liste de ses proches parents, parmi les femmes. Il a dit non. Aucun homme sensé, raisonnable. Il n'y a qu'une personne qui n'a plus de raison, qui dira, non, moi je m'en fiche, il n'y a pas de problème. Et le prophète sallam s'est approché de lui, il a mis sa main sur sa poitrine. Il a dit, le prophète, cet homme, le prophète a enlevé sa main, la fornication était devenue la chose la plus abominable à mes yeux, la plus détestée à mes yeux. Subhanallah. Il faut s'en éloigner. Même si l'homme ou la femme, ils disent, il y a une attirance. Les péchés, lui, il y a une attirance pour les péchés. Mais ta foi, elle t'empêche de les commettre. Subhanallah. Bien sûr, vous croyez que ceux qui ne commettent pas l'adultère, ils n'ont pas d'envie? Si, ce sont des êtres humains. L'homme, il penche vers la femme et la femme, elle penche vers l'homme. Ça, ce sont des gens normaux. Mais il y a le mariage. Il y a le mariage pour cela. Subhanallah. Donc, il faut s'éloigner des méthodes et des moyens qui sont interdits. Éloignez-vous. Ne vous dites pas, non, là, c'est pas grave. Parce que vous allez tomber dedans. Vous allez minimiser, vous allez tomber dans l'autre. Et ainsi de suite. C'est un piège. Et Allah nous dit en Wala taqrabu zina. N'approchez pas. Il n'a pas dit Wala taznu. Wala taqrabu zina. N'approchez pas. Tout ce qui amène à zina. Les yeux, ils font zina. Les mains, elles font zina. Les pieds, ils font zina. Ça, c'est dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les yeux, c'est le regard. La main, c'est le toucher. Les pieds, c'est. Elles vont vers l'endroit. Et au final, le sexe, soit il confirme ou pas la chose. Donc, il faut faire attention. Donc, dans les membres du corps, ils ont leur part dedans. Donc, il faut s'éloigner. Il faut s'en éloigner complètement. Ça, déjà, ce sont des péchés, des graves péchés. Et en plus de ça, ça ramène des calamités, des maladies, des problèmes dans ce bas monde. Et des désastres dans ce bas monde. Surtout quand al-fahisha, c'est la fornication, l'adultère, tout cela, ça prend de l'ampleur et ça devient quelque chose de banal et de visuel. Là, attendons-nous à des catastrophes qui vont nous toucher. Subhanallah. Donc il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Avant, les gens disaient, non mais je parle rapidement. Maintenant, ils se regardent, les gens. Skype ou je ne sais quoi encore comme autre. Subhanallah. Ils se parlent, ils se regardent. Après, non mais c'est pour le mariage. Dis-le ça à moi. Mais devant Rabbul Alamin, comment tu fais? Tu peux mentir aux gens, mais comment tu fais devant Rabbul Alamin? Subhanallah. Et les femmes, elles devraient faire attention. Après, elles viennent pleurer, elles viennent se plaindre. Ah, je savais pas, il m'avait promis, il m'avait fait croire, et ainsi de suite. Mais oui, mais tu croyais quoi? Tu croyais qu'il allait dire que je suis un escroc, dès le premier jour, que je suis un loup solitaire? Mais non, mais il faut arrêter, subhanallah. Ah, j'avais cru, on était sur un nuage. Mais quel nuage? Tes pieds gardés sur terre, subhanallah. On n'est que des êtres humains. Un être humain n'est pas un ange. Un être humain, il est là, il a ses qualités, il a ses défauts. Il a ses bonnes actions, il a ses mauvaises actions. Subhanallah. Les gens, ils sont aveuglés. Et c'est vrai, comme ils disent certains, l'amour rend aveugle. Celui qui est amoureux, tu peux lui parler, ça ne sert à rien. Pour lui, il croit que tu es là pour lui faire du mal. Subhanallah. Mais une fois qu'il est marié, deux jours après, il ne veut plus rester avec elle. C'est ajib, c'est étonnant quand même. C'est-à-dire dans le haram, quand tu n'étais pas marié, tu as patienté pendant des années, et le plus dur où tu te maries, non mais en fin de compte, mais en fin de compte quoi? C'est dangereux comment ils vivent les gens. Et comme certains ont dit, c'est vrai aussi, l'amour rend aveugle et le mariage redonne la vue. Hein? Le mariage il redonne la vue. Bon, c'est... Bon, mais il faut faire attention, subhanallah. Et que ce soit des sœurs, surtout les sœurs, les pauvres, elles sont plus vulnérables. C'est pour cela que les sœurs, normalement, elles ont leur tuteur. Il y a un homme derrière. Et bon, en France, parlons par exemple des convertis, les pauvres. Alors que les frères, ils viennent, ils s'amusent. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Subhanallah. On ne s'amuse pas avec le mariage. Le mariage, à la base, quand tu te maries, tu ne penses pas au divorce. Quand tu te maries, tu as l'intention de rester avec cette femme toute ta vie. Subhanallah. Après, il advient ce qu'il advient. Mais de base, c'était pas ça ton intention. Mais que dire des gens qui viennent, ils pensent déjà à ça. Ah, on a entendu parler qu'il y a des mariages qui s'appellent El-Missiar, Pal-Missiar. Déjà, à la base, on est étonné que des gens de France qui ne connaissent pas grand-chose dans leur religion, comment ça se fait qu'ils connaissent ces choses-là? Subhanallah. Et ça parle de ça. Non, je me marie avec la femme, mais je ne vis pas avec elle, je ne suis pas son responsable. Elle est responsable d'elle-même, alhamdoukallah. Et puis, c'est quand j'ai besoin d'elle que je l'appelle, et puis on se voit à ce moment-là. Qui voudrait ça pour sa propre fille? La donner à un homme de vivre de cette manière. Subhanallah. Il faut arrêter. Il y a des gens qui disent, j'ai le droit à la polygamie. La polygamie, oui, elle est autorisée. Mais ne te ramène pas des problèmes. Si tu sais que ça va te ramener des problèmes, ne le fais pas. Va dans un endroit où tu pourras le faire. Maintenant, ça y est, toi, tu veux vraiment le faire et tu en assumes les conséquences. Assume alors, sois un homme, pour de vrai. Pourquoi la première, tu le dis à tout le monde, même ceux qui t'ont rien demandé. Eh, la fille, tu sais que je me suis marié. Mais pour la deuxième, la troisième, personne n'est au courant. C'est un secret. Ils étaient le strict minimum de personnes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a beaucoup. Ah, là, ça parle plus, là. Hein? Hein? C'est comme ça. Subhanallah, on apprend ça plus tard. Tu savais qu'un tel en réalité. Si tu assumes et tu dis que tu es un homme et que tu as le droit de le faire, ben alors pourquoi tu te caches? Et pourquoi tu ne fais pas comme tu as fait pour la première? Pas de walima, il n'y a rien, pas d'invitation, rien du tout. Voilà, personne ne croit. Non mais c'est bon, j'ai fait le strict minimum. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut faire aussi pour les sœurs qui croient, ah mais je croyais que c'était un prêcheur, c'était pas un prêcheur, c'est un talib ilm, c'est pas un talib ilm. Il faut arrêter ce genre de choses. Un talib ilm, c'est un être humain. Un prêcheur, c'est un être humain. Un shir, c'est un être humain. Un savant, c'est un être humain. C'est un être humain. Il faut arrêter d'oublier la réalité des choses. Ah mais je savais pas qu'il allait, c'est un être humain. Une femme, c'est attirant. Que face à elle, ce soit un ignorant ou un savant. Subhanallah. Il faut arrêter. Les femmes, ça vient par... Non, mais je voulais poser des questions. J'avais des problèmes de ruqya. Je voulais ruqya. Ruqya. Ça aussi, hein, c'est devenu un problème. Et les femmes, elles demandent. Wallah, et ceux qui craignent pas Allah, comment ils peuvent s'amuser si seulement vous le saviez. Subhanallah. Faire amener personne. La femme, vous lui dites, récite le Fatiha sur toi-même. Récite les petites sourates, mu'awidat sur toi-même. Un membre de sa famille, il lui fait. C'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de ramener quelqu'un. Subhanallah. Arrêtez le désastre. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. On ne peut pas s'attarder là-dessus. Il y a trop d'histoires de femmes et d'hommes. A'udhu billah. Même des gens qui sont dans la religion, des gens qui sont dans la sunna, ils tombent dans ces choses-là. Volontairement ou involontairement. Et chacun, il a sa part dedans. Subhanallah. Il faut arrêter. La femme, elle est là. Subhanallah. L'homme, il la voit. Elle lui plaît. Subhanallah. Il faut faire attention. Et ça prend de l'ampleur. Non. La femme, elle récite sur elle-même. Elle lève les mains. Elle postillonne. Elle récite. Avec sincérité, elle implore son Seigneur. Subhanallah. Quelqu'un de sa famille, il lui fait. Et on laisse ça au sein de la famille. Et ce qu'on voit là, non. Subhanallah. C'est pas normal. Faites attention. Il y avait le problème de ceux qui font la ruqya avec de la mécréance, du polythéisme dedans, des charlatans qui faisaient n'importe quoi. Ça, c'était un problème. Puis, après, des gens se sont adonnés à la ruqya, plus ou moins dans la sunna. Mais il y a eu, maintenant on est face à d'autres problèmes. Donc c'est pas. Les gens ils cherchent un raqi. Je cherche un raqi. Il est où ton tawakkul à Allah? Pourquoi tu ne te remets pas à Allah Azza wa Jal? Tu n'as besoin de personne. Tu as Allah Azza wa Jal. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a pu te donner un coup de main, pas de problème. Mais cette demande, cet acharnement dans la demande qu'on entend et qu'on voit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous verrez que beaucoup de frères qui se sont adonnés à la ruqya et qui étaient sérieux, beaucoup d'entre eux ont fait demi-tour. Ils ont arrêté. Hein, vous devez le savoir. Ils ne veulent plus faire ruqya. Pour beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Pendant des années, il y en a qui font des séances. C'est quoi ça? Des séances de 20 minutes, des séances d'un quart d'heure. Le sujet en lui-même de base, il existe. Mais il y a plein de choses autour que non. Et c'est pour ça que jamais vous avez entendu un alim dans toute l'histoire des musulmans qui a été distingué par la ruqya. Vous avez déjà entendu? Un alim, et il faisait ruqya? Jamais. Et peut-être qu'il faisait, mais ce n'était pas quelque chose qui le distinguait. Subhanallah. Si les meilleurs des hommes ne le font pas, pourquoi? Subhanallah. C'est comme le hijama. C'est une chose, c'est dans la sunna. Mais c'est simple. Mais celui qui fait la hijama, c'est pas une personne qui est bien vue à la base dans la communauté. C'est comme le coiffeur. On peut dire. Voilà, il coupe les cheveux des gens, c'est tout. Les gens maintenant, ah lui, c'est faire le hijama. C'est devenu comme un alim. Il y a des gens qui lui posent des questions religieuses. Allahu alam. Ah lui, t'as vu, il s'y connaît dans la ruqya. Ils vont lui poser des questions religieuses. Les gens, ils sont arrivés à un stade, ils ne savent même plus. C'est comme celui qui fait des exhortations. Il fait des exhortations, les gens ils vont venir. Ils vont lui poser des questions. Et s'il ne craint pas Allah, ou s'il se fait avoir par Shaitan, il va les laisser croire ce qu'ils veulent. Et il va rentrer dans ça. C'est comme les imams qui font la prière de Tarawih. Personne ne demandait sur eux à la base. Ce sont des imams, ils font Tarawih. Ils ont une belle récitation du Coran. Ils respectent plus ou moins des règles. C'est tout, c'est fini. Personne ne vient leur poser de questions. Maintenant, le célèbre lecteur de telle mosquée ou de telle ville ou de tel pays, il est là. Les gens, ils viennent. Et ils viennent aussi pourquoi? Ils vont lui poser des questions. Parce qu'ils ne font plus la distinction. Ils ne savent même plus qui est qui. Alors que lui, peut-être qu'à la base, il n'a rien demandé. En Arabie, par exemple, il y a plein de lecteurs de Coran. Après, ils sont clairement bien dans la sunna ou pas. Différentes personnes. Mais ce sont que des lecteurs de Coran, des imams de mosquées, c'est tout. Les gens, Quand ils veulent poser leurs questions, ce n'est pas à eux. Ils demandent aux grands savants, aux ulama. Subhanallah. Bon, il y a des questions pour lesquelles ils pourraient peut-être répondre, mais je veux dire, ça ne va pas plus loin. Non, ici, ils vont leur poser des questions, même là où le grand alim va se concerter avec les grands ulama pour pouvoir te répondre, et toi, tu vas lui poser à lui. Pourquoi ? Parce que tu ne fais plus la différence. Subhanallah. Plus la distinction. Et c'est clair hein, que le borgne, dans le monde des aveugles, ils n'ont pas le choix, les aveugles. Hein. Ils sont obligés d'être derrière lui. Eux, ils ne voient pas. Mais ils voient un tout petit peu, donc ils le suivent. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, il faut faire attention. Il faut arrêter de dire mais je ne m'attendais pas, ou je ne sais pas. Arrêtez de croire qu'en face de vous, ce n'est pas des humains qu'il y a. Surtout le message pour les sœurs. Arrêtez de contacter les frères, arrêtez, laissez tranquille les frères. Ils ont déjà peut-être des soucis. Et une femme, elle vient, elle embellit sa voix, ça y est, elle le prend avec lui, avec elle. Et après, il m'avait promis, il m'avait fait croire, il va m'emmener à Mecca, il va m'emmener je ne sais où, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on entend, subhanallah. Et ça pleure, et ça parle, et ça pleure, et ça parle. Et pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Craignez Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب فهو كما يحرص على يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله يحرص كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى الله. De même qu'il a cet engouement, cette volonté, Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, de connaître quelles sont les œuvres les plus élevées, les plus aimées auprès d'Allah, au même moment il cherche à connaître quelles sont les œuvres les plus détestées et les plus graves parmi les péchés. فَفِي حَدِيثِنَا هَذَا بَيَانَ الْأُمُورِ لِأُمُورِ ثَلَاثَ هِيَا حَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. Donc dans ce hadith, il y a la clarification de trois questions, trois points qui font partie des meilleures œuvres auprès d'Allah. أولها, la première, الصلاة على وقتها, d'accomplir la salat, la prière en son heure. فالصلاة في حد ذاتها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. La prière en elle-même, c'est le deuxième pilier de l'islam. وأول العبادات تشريعا, et c'est la première adoration légiférée. ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر العبادات. Il n'a pas été transmise au prophète, au messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on lui a transmis les autres adorations. بواسطة جبريل, par le biais, l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, car Jibril alayhi salam est l'envoyé d'Allah vers les prophètes et les messagers. Et là, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui vient avec la révélation hein, et qui vient rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. بَلْ أَسْرَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. Mais Allah azzawajal a fait voyager son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, son adorateur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis la mosquée sacrée, depuis la Kaaba à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, la mosquée lointaine. Al-Aqsa, c'est la lointaine. D'accord ? Celle qui est après. La différence de Adna. Adna, c'est le plus proche. Aqsa, le plus loin. Certains ulama disent que il se peut qu'il y a dans ce nom une allusion qui est faite, comme quoi il y aura une mosquée entre Mecca et Al-Aqsa. Parce qu'à ce moment-là, Al-Madina n'existe pas. C'est la ville de Yathrib. Et il n'y a pas de mosquée. Donc, Mecca, elle est dans le sud. Dans le nord, on va vers le nord, on arrive à Yathrib, donc Médine. Puis on continue dans le nord, on entre en Palestine et c'est Al-Aqsa. C'est une ligne droite. Donc de Mecca à Jérusalem, entre les deux, il n'y a pas de mosquée. C'est comme si il est sous-entendu qu'il y aura une mosquée entre les deux. Et celle-là, c'est la plus lointaine, Al-Aqsa. Wallahu a'lam. Depuis la mosquée sacrée jusqu'à Al-Masjid Al-Aqsa. Et Al-Masjid Al-Aqsa, il existait déjà. Hein? Il existait déjà. Bien avant le prophète Mohammed, dans un hadith, le prophète sallam fut questionné. Quelle est la première mosquée construite sur terre? Il a dit, c'est Al-Masjid Al-Haram, où il y a la Kaaba. On lui a dit, puis c'est laquelle? Il a dit, c'est Al-Masjid Al-Aqsa. Combien il y a entre les deux? Combien d'années s'est écoulé entre les deux? Il a dit 40 ans. Entre la première et la deuxième. Et Allah dit dans le Coran, Inna awwala baytin wuda'a lin-nas lalladhi bi Bakka. La première demeure mosquée qu'on ait mis sur terre pour les hommes, c'est celui qui est à Bakka. C'est-à-dire à Mecca, un des noms de la Mecque. Et il est dit que Al-Ka'ba, elle avait été construite à l'époque de Adam, alayhi salam. Il y avait la Ka'ba. Mais lorsqu'il y a eu le déluge, Al-Tawfan, à l'époque de Nuh, alayhi salam, elle a été détruite, ensevelie. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, a dirigé Ibrahim, alayhi salam, vers l'endroit où il y avait les fondations sous le sable de la Kaaba. Il l'a dirigé car le sable avait couvert l'endroit et on ne savait plus où est-ce qu'elle était. Mais Ibrahim alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a dirigé vers cet endroit-là où il y a les bases de la fondation de la Kaaba. Et de là, il a pu reconstruire, remonter les murs de la Kaaba avec son fils Ismaïl. Alayhima as-salam. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, Allah l'a fait voyager de nuit. Asra, c'est le fait de voyager de nuit. Et de là, on a suratu al-Isra. Suratu al-Isra, la sourate du voyage nocturne, du voyage de nuit. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. C'est la région de l'Aqsa, de la Palestine, de Sham. Toute cette région, c'est une région qui est béni. Mais Jérusalem, Beytul Maqdis en arabe, ou Al-Quds, on l'appelle Al-Quds, et on l'appelle Beytul Maqdis, le nom de la ville. Et en français, on l'appelle Jérusalem, ça vient de Urshulim. C'est comme ça qu'on l'appelait. Peut-être qu'en hébreu, c'est peut-être en hébreu que ça se dit, Allahu A'lam. Et donc, cette ville, c'est une ville bénie, mais pas une ville sacrée. D'accord? C'est pas une ville sacrée. Ça, c'est une erreur. Il n'y a que deux villes sacrées, c'est la Mecque et Médine. Sacrée, réservée qu'aux croyants musulmans, interdite aux mécréants, à toute personne qui n'est pas musulmane. Ça, c'est le territoire de la Mecque et le territoire de Médine. Al-Quds, non, n'est pas un territoire sacré, c'est un territoire béni. Il faut bien faire la distinction. Ça, ça a eu lieu en l'an 10 de la prophétie. En l'an 10 de la prophétie. C'est-à-dire 3 ans avant l'immigration. Hein? Parce qu'on parle en année par rapport à la prophétie et on parle en année par rapport à l'Hijra. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 ans à Mecca en tant que prophète. De 40 ans à 53 ans. Donc, lorsqu'il a eu 50, là, il avait 50 ans, alayhi salatu wassalam, en l'an 10 de la prophétie, 10 ans après être prophète, alayhi salatu wassalam, il venait de perdre, cette année-là, Khadija radiallahu anha, son épouse, la mère des croyants, Khadija radiallahu anha, et dans la même année, elle a perdu aussi son oncle Abu Talib, qui est mort dans le polythéisme, mais qui n'a jamais fait de mal au prophète sallam et qui l'a même secouru et aidé. Donc on a appelé cette année l'année de Amul Huzn, l'année de la tristesse. D'accord ? Le prophète sallam, il était quand même aidé, soutenu par son épouse et soutenu aussi par son oncle qui ne laissait pas Quraysh l'atteindre. Donc ça c'est l'année de la tristesse. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala fait don à son prophète sallam de faire ce voyage nocturne pour qu'il soit, il l'élève vers lui. Et aussi lui montrer qu'Allah ne l'a pas délaissé et qu'Allah est avec lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, le voyage de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, ça c'est ce qu'on appelle l'Isra. Ça, on appelle ça l'Isra. De Bayt al-Maqdis jusqu'au septième ciel auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça c'est le Mi'raj. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Mi'raj. D'accord ? Al-Isra ou Al-Mi'raj. Al-Isra, le voyage nocturne. Al-Mi'raj, c'est l'ascension. L'ascension, d'accord ? C'est l'élévation du prophète sallam jusqu'au septième ciel, en passant par tous les cieux. D'accord ? Il y a le hadith long avec les récits, les prophètes qu'il a rencontrés, ainsi de suite. Bien que dans ces récits, il y a des fois des gens qui mélangent les hadiths da'if, mawdou' dedans, mais il y a beaucoup de hadiths authentiques là-dessus. Il y a même des écrits qui compilent que les hadiths authentiques sur l'Isra ou al-Mi'raj. Et dedans aussi, c'est une des preuves sur l'élévation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah il est élevé au-dessus de ses créatures, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté de ciel en ciel jusqu'au septième ciel, et là il a parlé avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, dans l'Isra al-Mi'raj, il y a un dalil comme quoi qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est élevé au-dessus de ses créatures, et Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné 50 prières, puis c'est descendu jusqu'à 5 prières, mais avec la récompense des 50 prières. Un don d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne fait que 5 prières, mais elles ont les récompenses des 50 prières. ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. Puis il a fait l'ascension, il a été élevé vers le ciel. وهناك فوق السماوات العلى ناجاه ربه وأكرمه وكلمه بفرضيتها مباشرة. Puis donc Allah l'a élevé vers le ciel, et au-dessus des cieux élevés, Allah, son Seigneur, lui a parlé et il l'a honoré et il lui a annoncé l'obligation des prières directement. Donc là, pour la prière, ça n'est pas passé par Jibril alayhi salam. C'est directement Allah tabaraka wa ta'ala qui en a donné l'ordre à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. فَهَذَا دَلِيلُ عَظَمَتِهَا. Voici une des preuves de la grandeur de la prière. وَإِذَا صَلَّ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ. Et lorsque le serviteur prie, il est en relation avec son Seigneur. Et il interpelle son Seigneur. وَأَفْضَلُ وَقْتٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ هُوَ أَوَائِلْ أَوْقَاتِهَا. Et le meilleur moment dans lequel les serviteurs interpellent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, c'est au début des prières. C'est pour ça que le début de chaque prière, c'est le meilleur moment pour l'accomplir. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها في أول أوقاتها. Comme le faisait le prophète صلى الله عليه وسلم, il accomplissait les prières obligatoires en début d'heure.